Présentation du concert de bruit de Pierre Schaeffer le dimanche 20 juin 1948 à 21h. Et le speaker était Jean Toscane, au Club d'essai. Le Club d'essai de la radiodiffusion française présente un concert de bruit conçu et réalisé par Pierre Schaeffer, assisté de Claude Dupont, avec la collaboration technique de Pierre Jacobi, Pierre-François et Raymond Verchère. Ce concert de bruit se compose de 5 études qui représentent chacune un ensemble de recherches portant sur la production et la composition des bruits. Le bruit, considéré comme parent pauvre dans le domaine de l'expression sonore, ne sert en général que de décor. Il est employé à titre épisodique pour recréer une atmosphère, indiquer une péripétie. Dans cet emploi subalterne, il est cependant particulièrement évocateur. La question posée est celle-ci. Serait-il possible, dans la riche matière des bruits naturels ou artificiels, de prélever des portions qui serviraient de matériaux pour une construction organisée ? remarquons qu'il suffit d'ouvrir l'oreille, cette oreille que nous possédons dotée en outre d'instruments de précision, d'agrandissement, d'accéléré, de ralenti, et qui n'est plus une oreille nue et dépourvue comme l'était l'œil avant le microscope. Voici qu'il nous apparaît possible de produire une quantité indéfinie de bruits proprement inouïs et de les combiner ensemble avec des facilités incroyables qui ne sont contrebattues que par les suggestions toujours mouvantes des machines. Loin de nous l'idée de vouloir tout vouloir. Une sorte d'imagination artisane nous porterait plutôt à provoquer 1000 essais, obtenant du prestigieux hasard des jeux qui laissent notre imagination à défaut. Vient alors la composition. C'est là, dans l'état actuel de nos recherches, que gît la principale difficulté. Il est facile de jouer les apprentis sorciers, l'embarras surgit du surcroît des richesses, du déchaînement de forces mal calculées, d'une matière rebelle, des machines rendues folles. De tout cet ensemble se dégage une idée générale, c'est qu'il y a un chemin inverse pour aboutir à la musique, qui est de partir de données sonores au lieu de partir d'une notation et d'une composition ultérieure au lieu de la classique exécution. Si le terme ne risquait pas de paraître prétentieux, nous intitulerions nos essais « Essais de musique concrète » pour bien marquer leur caractère général et qu'il ne s'agit plus exactement de bruit, mais d'une méthode de composition musicale. Au lieu d'une conception a priori, c'est une construction a posteriori. Encore un mot, l'auteur estime que l'état de ses recherches est trop peu avancé et qu'il est loin d'un résultat définitif. Thank you. Thank you. Absolument.

Thank you. Absolument. Thank you. Thank you.